aujourd'hui c'est son birthday. Pétales de rose au sol. Les chocolats que tu préfères, après le confinement on ira au soleil. Je dégaine la bouteille de rosé, les pieds dans le sable et la crème solaire. Bébé pardonne-moi pour le mal que j'ai causé, c'est mon côté causal. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Nous deux on fait la paire, il faut qu'on s'évade. J'ai trouvé ma perle, au fond du Nevada. J'ai posé genoux à terre, un anneau pour toi. Hier on se faisait la guerre, mais tout ça c'est loin. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Aujourd'hui c'est son jour, j'ai sorti la chemise pour paraître impoli. T'es mon bijou, mon diamant, j'ai compris quand j'ai vu sur place Rivoli. On s'en m'en a tout fait, les sommes m'en a touché. Pour toi y'aura tout, toi t'es mon atout, bébé dans la poussette. Je sais qu'ils vont douter, ils vont faire fermer tes bouches. Diamant sur le cou, anneau sur la main pour sauver tes bougies. Je sais qu'ils vont douter, ils vont faire fermer tes bouches. Diamant sur le cou, anneau sur la main pour sauver tes bougies. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Nous deux on fait la paire, il faut qu'on s'évade. J'ai trouvé ma perle, au fond du Nevada. J'ai posé genoux à terre, un anneau pour toi. Hier on se faisait la guerre, mais tout ça c'est loin. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Analyse, bébé trouve ça mignon. J'peux pas le nier, bébé trouve ça mimi. Ça s'appelle la crème solaire. C'est mon côté causaille.